de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guénozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Comme vous le savez, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pour cette occasion, je suis actuellement au téléphone avec Olivier. Olivier, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, bonjour à tous, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? En quelques mots, bah écoutez, je suis parent, pour ce qui me concerne aujourd'hui, d'un jeune homme trisomique 21, porteur d'un chromosome surnuméraire, et c'est en cette qualité que vous m'avez invité comme membre de l'ADAPI, mais sinon bah, je suis un grand-père, jeune retraité, père de famille nombreuse, et me donnant un petit peu davantage au sein de cette association ADAPI 88. Et justement, ça veut dire quoi ADAPI ? Alors c'est un acronyme ancien, hein, puisque l'ADAPI a été créé il y a 62 ans maintenant. À l'époque, on parlait de l'enfance inadaptée ou du handicap un petit peu autrement. Donc aujourd'hui, on a gardé le nom ADAPI 88, mais c'est surtout une association donc, qui réunit des parents, des amis de personnes ayant un handicap intellectuel dans les Vosges. Quand est-ce qu'elle a été créée ? Elle a été créée en 1960. Elle a déjà 62 ans ? Oui, parce qu'à l'époque, il n'existait quasiment aucune structure qui accueille des enfants au départ porteurs de handicap intellectuel. Donc les parents, ils n'étaient pas intégrés à l'école non plus, il n'y avait pas d'inclusion, ce sont des concepts qui ont évolué depuis quelques décennies, mais c'était assez tardif. Et donc pour les familles, c'était vraiment double peine, parce que d'une part, il fallait accueillir et supporter le poids du handicap dans la famille, et puis en même temps, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans prise en charge, ni scolaire, ni d'un autre ordre. Donc ce sont les parents qui se sont mobilisés, autour d'associations comme l'ADAPI dans les Vosges, mais ça existe dans toute la France, ça correspond à peu près à cette époque-là, dans les années 60, enfin des années 50, des années 60, où des acteurs locaux se sont mobilisés pour trouver des locaux, et puis embaucher progressivement des éducateurs, des instituteurs, des spécialistes pour s'occuper de leurs enfants. Alors depuis quand vous avez rejoint l'association ? Alors moi je l'ai rejoint en fait dès que nous avons accueilli notre fils, puisqu'on se retrouve un peu démunis et seul face au handicap, donc on se documente et on a rapidement eu contact avec l'ADAPI à Épinal à l'époque. Et on a été bien entourés, bien accueillis, bien conseillés par des parents, par des pères comme nous. C'est important de ne pas se retrouver tout de suite pris dans un contexte très spécialisé, très médicalisé, mais de rencontrer d'abord des familles qui ont la même expérience que nous et qui font face à ce qu'on peut qualifier au départ d'une épreuve, qui n'est pas qu'une épreuve, mais qui au départ peut paraître redoutable. Oui, puisque les médecins ont leur propre jargon et ils ne comprennent pas forcément ce que vous vivez, vous, au quotidien. Oui, et puis c'est il y a des médecins très, très humains et qui communiquent très, très simplement, mais on a tous aussi des représentations et parfois des craintes qui sont liées au handicap, et des parents les lèveront des fois plus facilement avec des témoignages directs qu'avec un discours médical. Quelles sont les différentes actions de l'association dans les Vosges ? Alors, c'est une association qui est à la fois une association de parents et d'amis, donc qui compte à peu près 250-260 adhérents, et qui accompagne 900 personnes, donc de la petite enfance jusqu'au grand âge, à la fois pour de l'habitat, pour de l'éducation pour l'enfance, l'adolescence, et puis également pour des activités de travail, pour une insertion professionnelle. Combien de bénévoles compte l'association ? Alors, il faut faire une petite différence entre les adhérents, donc les sympathisants, le nom que je vous donnais tout à l'heure, et puis des bénévoles actifs, on n'est jamais assez nombreux. Donc, il y a des opérations un petit peu plus, mobilisatrices, comme l'opération Brioche qui a eu lieu au mois d'octobre et qui a lieu tous les ans en automne dans toute la France et dans les Vosges en particulier, où là, on arrive à trouver des dizaines de bénévoles sympathisants, qui sont d'ailleurs pas forcément adhérents à l'ADAPI, mais qui viennent donner le coup de main pour une action humanitaire qui nous permet de récolter des fonds pour des actions qui ne sont pas suffisamment financées par les pouvoirs publics par ailleurs. Mais vraiment comme cheville ouvrière dans l'association, on va dire qu'on est une vingtaine de personnes sur le département à porter avec tous nos adhérents ne sont pas tous concernés familialement par le handicap. Il y a parfois aussi des personnes qui acceptent de donner de leur temps et de leurs compétences en étant simplement amis. D'accord. Alors moi, c'est en achetant une brioche à Cora que j'ai eu votre contact. C'est un bénévole ou un adhérent qui m'a donné votre numéro. Ah bah super, très bien. Alors justement, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles actuellement ? Alors, on est à la recherche de bénévoles. Bon, déjà, le fait d'adhérer à l'association, pour ceux qui voudraient simplement nous soutenir, est déjà très important parce que c'est un soutien moral. Et puis après, sur le fait d'avoir des bénévoles, oui, il y a effectivement principalement un conseil d'administration composé, on va dire, d'une douzaine de personnes très régulières où il faut à la fois des gens qui s'y connaissent un petit peu en immobilier, qui s'y connaissent un petit peu en gestion, en communication et qui peuvent effectivement nous aider durablement. Donc s'il y a des bonnes volontés ou des gens qui ont connu l'ADAPI ou qui veulent s'engager utilement, bien sûr, ils peuvent nous contacter. J'ai vu via votre site qu'un bénévole peut postuler comme sur les grands sites pour postuler pour avoir un travail. Alors là, en dehors du bénévolat, bien sûr, l'ADAPI, je vous le disais tout à l'heure, on accompagne 900 personnes et il faut prendre compte qu'il y a plus de 400 professionnels dans 28 établissements et services dans les Vosges. Donc, à la fois, on est une association, mais nous aussi, quelque part, une entreprise. Donc, il y a un service ressources humaines et on est sans arrêt, en train de recruter avec des métiers qui sont par ailleurs en tension, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'il y a un manque de reconnaissance aussi au niveau salarial, au niveau de ce que la convention collective des métiers médico-sociaux offre, mais aussi parce que les revalorisations, vous avez tous entendu parler du Ségur de la santé et suite à la crise du Covid, de la manière dont on a revalorisé certains métiers d'accompagnement dans l'humain, eh bien, il y avait eu un oubli avec tous les métiers du médico-social, oubli qui est en train d'être réparé, mais avec un petit peu de retard. Et donc, ça a fait aussi qu'on a perdu un certain nombre de professionnels qui, on peut les comprendre, trouvaient au départ de meilleures conditions de travail dans le cadre hospitalier. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un rattrapage avec des accords nationaux qui permettent d'avoir une forme d'égalité salariale pour les mêmes métiers, qu'ils soient professés dans le secteur public ou dans le secteur associatif privé comme le nôtre. Mais oui, on est sans arrêt en train de recruter des éducateurs, des moniteurs éducateurs, toutes sortes de métiers. Ça va de l'administratif à l'éducatif, en partant par la gestion, le médical, le paramédical. Donc effectivement, il y a des offres d'emploi qui sont présentes sur notre site également, ADAPI 88. Et vous parliez d'adhérents et d'aide. Justement, comment est-ce qu'on peut aider l'association ? Eh bien, une des particularités de notre association, c'est, sans se substituer aux professionnels, de piloter, de donner quand même un cadre avec des valeurs qu'on veut faire vivre dans nos établissements. Et la première des valeurs, c'est quand même de garder ou de laisser une relation avec la famille qui soit facilitée, durable, où on ne confie pas simplement l'éducation ou l'hébergement d'une personne de notre famille et puis après adieu va. Non, on essaye d'être présent aussi en gardant ce contact à la fois avec les familles des personnes accompagnées et puis avec les personnes accompagnées elles-mêmes en proposant des animations parfois, des rassemblements, des réunions, des choses plus conviviales. Donc comment aider ? Ça peut être simplement en étant présent au sein de l'association et d'un établissement plus particulièrement. Au sein de chaque établissement, il y a un conseil de vie sociale dans lequel les personnes accompagnées sont invitées à s'exprimer, donner à la fois leurs besoins, leurs envies, leurs remarques sur la vie dans l'établissement. Et ce conseil de vie sociale, il donne aussi une place à des représentants de l'association, à des familles. Donc ça peut être une manière d'être très localement impliqué. Et puis, autrement, on parlait d'opération brioche, c'est une fois par an, mais c'est beaucoup de travail. Donc c'est une manière aussi, par exemple, de nous aider à un moment ou à un autre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la présidente de la DPI 88 ? Sur la présidente ? Oui. Ah, mais avec plaisir, Madame Sylvie Renaud, qui est parent, qui est de la région de Saint-Dié, et qui a rejoint le conseil d'administration, je crois, après avoir été très engagé au environ il y a moins de 10 ans, mais qui a rapidement pris des responsabilités jusqu'à accepter la présidence. Il faut savoir qu'on ne se bouscule pas pour prendre ce genre de responsabilité, parce que c'est du bénévolat, bien entendu, mais c'est surtout un engagement fort pour être en lien avec des instances publiques, avec des partenaires divers et variés, et puis aussi pour animer, il faut exercer une forme de leadership dans l'association, ce que Sylvie Renaud fait parfaitement, et je l'en remercie vraiment très sincèrement. Alors c'est quoi l'UNAPAI, c'est comme ça qu'on dit ? Alors, comme on dit ADAPEI, on peut dire ADAPEI ou UNAPEI ou UNAPEI. C'est l'union nationale, en fait, d'associations comme la nôtre. Hein. C'est pas une fédération, c'est une union d'associations qui porte au niveau national à la fois les questions qu'on peut poser au niveau sociétal, mais aussi qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics, qui, je parlais tout à l'heure des négociations salariales qui ont abouti et qui ont permis de revaloriser les métiers du secteur médico-social. Eh bien, c'est pas nous, depuis Épinal, qui pouvons faire changer la loi ou les règlements. C'est par une action très, très concertée et très, très spécialisée, portée donc là par un siège national. Donc c'est l'UNAPI qui porte cela avec une équipe de salariés. Mais là aussi, c'est un mouvement associatif, hein, avec les mêmes valeurs que les nôtres, mouvement parental. Donc on retrouve le même état d'esprit. Simplement, il est structuré pour pouvoir avoir des interlocuteurs nationaux. Combien est-ce qu'il y a d'établissements médico-sociaux pour l'accueil de personnes atteintes de handicap intellectuel ? Dans les Vosges ? Oui. Alors, je ne saurais vous dire, en dehors de l'ADAPI, parce qu'on n'est pas les seuls, heureusement. Hein, y a d'autres acteurs très importants, comme la Fédération médico-sociale des Vosges, comme des associations comme Tremplin Saint-Amé, qui portent le même souci de servir les personnes atteintes de handicap. Donc moi, je ne saurais vous répondre vraiment que pour l'ADAPI, où je vous dis, on a 28 établissements et services, donc je pense qu'on est une des associations quand même importantes du département, et je pense qu'il y a plus d'une soixantaine, à mon avis, d'établissements et services sur les Vosges qui peuvent exister, je pense. Et qui gère ça ? Eh bien, ça dépend. Hein. Parfois, ça peut être une fédération hospitalière, donc le service public. Parfois, ça peut être une association comme la nôtre. Et nous, on a effectivement cette responsabilité de gestion qui est importante, parce qu'on reçoit beaucoup, heureusement, de fonds publics venant de l'État via l'Agence régionale de la santé, mais également du département des Vosges, hein, puisque le département a une très grande responsabilité sociale et donc finance un certain nombre d'hébergements, principalement d'actions pour les personnes porteuses du handicap. Alors nous allons faire une première pause musicale avant de parler d'handicap intellectuel et des différents organismes gérés par l'ADPI. On vous laisse donc avec Nathalie Solence, Montrer du doigt, tout de suite sur le 107. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt ? Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là ? Et pourquoi ce mot fait-il rigoler ? Et pourquoi, de quoi, de qui s'amuser ? Ce mot employé au 19e siècle a été choisi rapport au faciès, car comme pour les Noirs, comme pour les Chinois ou les Albinos, chez eux ça se voit à cause d'un petit chromosome en trop qui marque leur corps de face et de dos. On les reconnaît sans qu'ils disent un mot. Sont différents des gens dits normaux. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt ? Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là, en les englobant comme s'ils n'étaient qu'un ? Tout ça pour les traits qu'ils ont en commun. Ces gens-là s'appellent Corinne et Thierry, Christophe et Sophie, Patrick et Marie, et leur différence en fait des gentils et des authentiques. Sans hypocrisie, si on les agresse, ils pleurent en silence. Si on les attaque, ils sont sans défense. D'ailleurs, ils n'en auraient pas les moyens. C'est encore un truc. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt ? Pourquoi parler d'eux ? échange à l'heure des mélanges. Est-ce la maladie mentale qui dérange? Soit dit en passant, tu m'as l'air bizarre. Et toi t'as sûrement un grain quelque part. Faute d'un petit chromosome en trop dans ton ciboulot. Y'a comme un accro qui n'a jamais eu quelque chose qui cloche, qui fout la panique au fond de sa capoche. On est bien atteint, on n'en revient pas. Heureusement chez nous, ça ne se voit pas. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt? Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là? Ils ont besoin d'être aimés. Est-ce un mal si grand pour la société? Remontons quelques années en arrière. Ils vivaient cachés et pendant en les déportant avec les homos, avec les gitans. Quand au Pinochet, Hitler ou Franco, quand à tous ces monstres et tous leurs bourreaux, s'ils avaient eu un chromosome en trop, on n'aurait pas tant de crimes sur le dos. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt? Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là? Et pourquoi ce mot fait-il rigoler? Et pourquoi, de quoi, de qui s'amuser? Nous sommes de retour avec Olivier sur les ondes de RGM. Olivier, c'est quoi un IME? Un IME, alors c'est un institut médico-éducatif. C'est en gros la structure spécialisée qui va accueillir, ou en tout cas permettre l'accueil, y compris dans le milieu scolaire, parce qu'il y a beaucoup de partenariats, pour les enfants de 6 à 20 ans. Alors, quand je dis enfant, vous voyez, ça va loin. Mmh. On va considérer qu'un adulte handicapé bascule vers l'âge adulte, à 20 ans. Donc, par exemple, dans le secteur, on a l'IME Clermatin à Saint-Amé, hein, qui accueille un public local de 6 à 20 ans avec une déficience intellectuelle. Hein, et en gros, une quarantaine d'enfants qui sont accueillis à la fois sur place, à Saint-Amé, mais également parfois accompagnés dans une scolarité partielle ou plus complète. C'est quoi le CESAD? Alors, un CESAD, c'est un service spécialisé pour l'accompagnement à domicile. C'est-à-dire que c'est pour parfois pour la petite enfance, mais pas uniquement, pour des enfants, des jeunes qui ne sont pas dans une structure, a priori, donc qui sont plutôt suivis en famille. Et les services à domicile, SAAMS, c'est quoi? Alors, c'est vrai qu'on nage dans les sigles et on va finir par me coincer à la fin par rapport à tel ou tel sigle. Donc je ne saurais pas vous donner l'acronyme exactement, mais ça correspond aussi sans doute à un accompagnement du handicap dans le milieu de vie de la personne. Hein, si à partir du moment où on dit à domicile, c'est qu'on n'est pas dans une structure avec des locaux identifiés et un accueil de jour. C'est peut-être pour aider les personnes qui sont lourdement handicapées et qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules aussi. Alors, ça pourrait être cela, mais je pense que dans notre cas, c'est plutôt par rapport ou à un profil qui ne nécessite pas forcément d'être en permanence dans un milieu hyper spécialisé, ou pour un manque de place dans des structures plus spécialisées. Parce que c'est une problématique qui reste actuelle, même si depuis 1960, on a créé 28 établissements et structures dans les Vosges, dans la DAPI, et on a encore des listes d'attente qui sont relativement importantes. Et même si l'école française fait aussi un énorme effort pour accueillir de plus en plus d'enfants et de jeunes porteurs de handicap, eh bien, il en reste malgré tout un certain nombre qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Alors, l'UNAPI et la DAPI 88 essayent de tenir à jour un registre, je ne sais pas dire un registre, mais en tout cas une comptabilité des situations non réglées d'enfants qui n'ont pas pu, par exemple, être scolarisés à la rentrée scolaire. Donc on essaye de nourrir des statistiques là-dessus pour faire pression sur les pouvoirs publics et l'État pour que davantage d'enfants puissent être inclus au maximum, pas forcément à temps plein et pour tout type de handicap tout le temps, mais une inclusion au maximum, parce que l'idée c'est quand même que nos enfants, nos jeunes, les personnes que l'on accompagne, puissent vivre la vie la plus normale possible, la plus sociale possible, avec le plus de normalité souhaitable. Et si la liste d'attente est trop longue, est-ce que c'est possible d'aller ailleurs, mais ça sera de plus loin du coup? Alors, oui, ça, c'est compliqué parce que il y a des transports qui sont pris en charge normalement par le conseil départemental, donc on reste logiquement sur le département de résidence de la personne. Il y a quelques exceptions, hein, là vous voyez dans la région de Remiremont, on n'est pas très loin de la Haute-Saône, donc je sais qu'il y a eu quelques exceptions, quelques accords très particuliers qui ont permis à des Franc-Comtois de rejoindre des structures vosgiennes par exemple, mais ça demande des accords un peu compliqués, et logiquement on essaye de trouver, ça fait partie aussi de la qualité de la vie, hein. J'ai des extraits de paroles recueillies de personnes accompagnées ou de familles de personnes accompagnées qui disent combien rester dans son cadre familial, ne pas s'éloigner de sa famille, peut être important. Donc s'il faut commencer à faire une heure de transport le matin, une heure de transport le soir pour bénéficier d'un accompagnement, ça devient difficile et on perd de la qualité et on perd de l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être présent sur tout le territoire. Le DAPI, on est présent de l'ouest vosgien au secteur d'Épinal, au secteur de Saint-Dié et bien sûr à notre zone là dans la montagne. Mais on n'est pas présent absolument partout. Et heureusement, il y a d'autres structures qui quadrillent aussi le territoire dans les Vosges. Il n'y a pas que le DAPI. Mais la proximité est un enjeu. Est-ce que vous savez c'est quoi le PCPE ? Le PCPE, voilà encore un beau sigle. Alors, il s'agit, je pense, d'un pôle de compétences pour favoriser le fait de trouver des réponses adaptées à des situations qui sont toujours uniques. Sans rentrer dans le détail, je parlerai surtout de la communauté 360 qui a un service qui est porté par la DAPI et qui est basé sur Saint-Amé d'ailleurs, et qui essaye de répondre à toute demande de personnes se trouvant à un moment donné confrontées au handicap et plutôt en difficulté avec son handicap pour trouver des solutions adaptées alors qu'elles ne les auraient pas trouvées. Donc c'est une plateforme très, très active qui va personnaliser des réponses, soit en proposant des choses qui existent déjà dans la DAPI ou ailleurs, hein, dans d'autres associations, ou dans d'autres services s'occupant du handicap, soit au minimum en écoutant et en orientant, et ça peut être aussi en tournant les personnes vers des services sociaux pour bénéficier d'aide, puisqu'il y a quand même beaucoup d'aide sociale qui peut être apportée aux personnes handicapées. Hein, donc parfois, selon l'environnement familial ou personnel que l'on a, on peut être très démuni. Et puis, même quand on est un petit peu dans le milieu, vous voyez, je ne sais pas répondre à toutes vos questions, il y a beaucoup de structures qui existent et il faut toujours trouver des réponses très personnalisées. Est-ce qu'il existe des foyers personnalisés pour les jeunes atteints d'handicap intellectuel ? Alors, oui, jeunes ou moins jeunes. Hein. Alors, si je passe votre question, c'est vraiment par rapport à un internat éducatif, ce que nous n'avons pas directement ici sur le secteur, mais nous avons développé beaucoup d'offres d'hébergement en foyer de vie pour des jeunes adultes, travailleurs ou pas, porteurs de handicap intellectuel. Donc, on en a à Saint-Dié, on en a à Épinal, on en a à Contrexéville ou à côté, et à Châtenois et à Saint-Amé, dans les Vosges. Ça concerne les jeunes ou est-ce que vous vous occupez aussi des adultes et des personnes âgées ? Alors, il y a une petite complication réglementaire, c'est qu'un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés ne peut plus accueillir les personnes qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas. Donc on va parler à ce moment-là de maisons d'accueil spécialisées, hein, qui pourront accueillir effectivement des personnes âgées. individus qui vivent aujourd'hui avec les personnes porteuses de handicap, c'est qu'il y a un allongement, comme pour toutes les personnes d'ailleurs, de l'espérance de vie. Donc on se trouve confronté à des situations de vie aujourd'hui qui existaient moins en tout cas, il y a quelques dizaines d'années. Donc la problématique du vieillissement, elle inquiète beaucoup nos familles, hein, et c'est un sujet sur lequel nous on doit travailler. Tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, je vous ai dit qu'on avait une structure à Saint-Amé, c'est pas nous qui avons une structure, c'est l'association Tremplin, mais beaucoup des travailleurs de l'ADAPI de Saint-Amé résident au foyer Tremplin, qui offre un accompagnement et un hébergement pour les travailleurs et les non-travailleurs. Quelles sont les maisons et les services d'accueil qui sont encadrés ? Les services d'accueil qui sont encadrés, c'est un petit peu organisé en fonction de l'âge, mmh, hein, des personnes handicapées. Donc, si je prends les actions que je connais le mieux, donc les IME, on va trouver ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de dispositifs le DIAM, on dit aujourd'hui, qui va permettre l'inclusion maximale des enfants avec des sections d'enseignement et d'éducation spécialisée, ou ce qu'on appelle dans le temps des IMPRO, des CIFPRO, des sections d'initiation et de première formation professionnelle, pour des adolescents et jeunes adultes à partir de 14 ans. Donc sans leur donner forcément tout le bagage nécessaire pour avoir une qualification professionnelle, on va dire qu'il y a une initiation, hein, qui se vit au sein de la CIFRO et souvent en lien avec des collèges. C'est quoi un handicap intellectuel ? Handicap intellectuel, on va dire que c'est déjà quelque chose de très variable. À la limite, on est tous plus ou moins porteurs d'un handicap intellectuel, c'est-à-dire que nos capacités personnelles sont plus ou moins limitées dans certains secteurs d'activité. Et là, on n'a pas tous les mêmes dons, la même manière de répondre à des sollicitations intellectuelles. Alors ça devient handicapant lorsque c'est pénalisant à un point qui gêne l'insertion sociale ou professionnelle. Hein. Mmh. Et c'est à partir d'une codification très stricte qu'on peut avoir cette reconnaissance d'un handicap qui entraverait l'insertion sociale ou professionnelle. Mais le handicap intellectuel, voilà, c'est celui qui vous empêche à un moment donné d'être peut-être suffisamment autonome pour l'ensemble de toutes les questions qu'un adulte ou qu'un jeune pourrait vivre en autonomie. Et ce qui demande donc, on va dire, plus qu'une aide, un accompagnement. Est-ce que la bipolarité est considérée comme un handicap mental ou intellectuel ? Alors je pense que c'est plutôt, sans être un spécialiste, dans le domaine de la maladie psychique, c'est-à-dire que d'un trouble qui va peut-être générer un handicap, hein, mais d'un trouble qu'on identifie peut-être plus difficilement qu'un handicap. Un handicap intellectuel, même des fois bien mettre des étiquettes, c'était peut-être des fois un petit peu dommage, mais si je donne l'exemple de la trisomie 21 que je connais bien, malheureusement, on détecte le handicap rapidement, et ça permet d'accompagner le développement de l'enfant et de la personne, mais c'est quelque chose qui est génétique, et donc qui est là dès la naissance, et qui va se manifester, s'observer, se repérer, j'allais dire, facilement. Mmh. Une maladie psychique, elle va se manifester peut-être plus tardivement, c'est peut-être le cas, même s'il y a des enfants qui doivent souffrir de maladies psychiques, mais qui sera peut-être plus sournoise d'un certain point de vue, et le handicap se manifestera peut-être d'une manière peut-être encore plus délicate, parce qu'il y a peut-être moins de reconnaissance facile. C'est pas notre spécialité à l'ADAPI, la maladie psychique. Je pense qu'une association comme l'UNAFAM, hein, qui est une association familiale aussi autour de la maladie psychique, serait plus à même de renseigner les personnes qui auraient besoin d'être aidées dans ce domaine-là. Mais la frontière est des fois ténue, et puis on peut assurément dire que certaines maladies psychiques causent un handicap. Est-ce qu'il existe une différence entre un handicap mental et un handicap intellectuel ? Je ne saurais vous dire, un linguiste vous le dirait peut-être avec précision. Mm-hmm. Je pense que ce sont des termes sémantiques qui évoluent peut-être avec le temps. Hein. Y a sans parler de mode dans le langage, voilà, il y a des termes qui sont usités à une certaine période et puis qui tombent en désuétude. Peut-être qu'il y a une acception du mot plus, comment dirais-je, sur le mental et l'intellect qui... une différence que je ne saurais qualifier en tout cas. Donc je botte un peu en touche, mais je ne crois pas qu'il y ait de grosses différences. Pour moi, c'est un peu synonyme. Vers quel âge un enfant peut être diagnostiqué handicapé intellectuel? Très jeune, en fait. Hein. Le rôle là, de l'école est important, mais déjà la famille et puis en crèche, on peut faire des observations parfois très très rapidement. Ça peut être à partir d'un retard de langage, d'un retard de motricité aussi, puisque la personne est unifiée et malheureusement parfois des troubles associés qui font qu'on repère par simplement une inactivité d'un bébé ou ce qui devient anormal. J'aime pas beaucoup le mot de norme, parce que la norme, elle a toujours un côté normatif, un petit peu sécurisé et enfermant. Mais voilà, quand on vous dira un enfant marche à tel âge, un enfant parle à tel âge, un enfant fait des puzzles à tel âge, bon, ce sont des petits repères qui vont parfois permettre d'alerter un éducateur, un parent, et puis ensuite, avec l'aide de psychologues, on se réfère aussi là à des grilles pour regarder les capacités d'un enfant, et puis parfois diagnostiquer, effectivement, poser un diagnostic, alors qui peut parfois être évolutif, hein, il ne faut pas enfermer telle ou telle pathologie ou telle manifestation d'un retard ou d'une gêne pour un enfant comme un handicap, mais malheureusement, ça se confirme souvent au niveau de l'école et de l'école élémentaire. Hein, à partir du moment où on rentre un peu dans l'abstraction avec les apprentissages plus formels que sont l'écriture, les mathématiques, c'est souvent à ce moment-là que le handicap devient évident et plus difficile à gérer. Est-ce qu'il existe des examens médicaux qui permettent de diagnostiquer un handicap intellectuel? Alors, de diagnostiquer le handicap intellectuel en tant que handicap, c'est-à-dire que gêne ou que différence par rapport à la norme, je ne le pense pas. Mais certaines maladies, eh bien oui, elles ont des traces génétiques, elles ont il y a des éléments qui doivent permettre, et même au niveau de la morphologie ou de l'anatomie de certaines personnes, on va pouvoir repérer des signes qui vont confirmer tel ou tel handicap. Hein. Un examen médical qui traduirait directement handicap, non, puisque le handicap, il est toujours relatif par rapport à une situation d'insertion sociale, ou professionnelle. Donc c'est pas le médical qui va le dire, ça c'est chaque personne qui, avec l'énergie qu'elle y mettra et ses ressources propres, son génie propre, fera qu'elle sera avec ce qu'on appellerait un même handicap au départ, plus ou moins handicapé. Vous voyez, c'est relatif. Une même personne, deux personnes différentes dans une même situation ne donneront pas la même réponse en fonction de leur tempérament, de leur capacité, de leur environnement aussi, de la manière dont elles sont aidées, portées par une famille, par une association, par des professionnels. Quel praticien s'occupe du diagnostic? Est-ce qu'il y a des psychologues qui s'occupent de voir pour les troubles cognitifs, tout ça? Oui, bien sûr. Hein, dans nos équipes pluridisciplinaires, il y a des psychologues, naturellement, mais il y a aussi des médecins, généralistes et psychiatres, hein, qui vont accompagner les personnes et leurs familles du diagnostic jusque parfois à certains traitements lorsqu'il y a des traitements possibles, ou en tout cas un travail de parole et d'accompagnement d'ordre plus psychologique. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de parler des différents secteurs de travail de l'ADAPEI. On vous laisse avec Alain Souchon et Manic et on se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Du petit homme lui dit un matin, à 16 ans, t'es haut tout comme notre Huchapin. À la ville, tu peux faire un bon apprenti, mais pour labourer la terre, t'es bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit, t'es bien trop petit. Fille d'un maître d'équipage qui lui rit au nez, en lui disant point d'engage, les tout nouveaux nés. Tu n'as pas l'air de frimousse, mais t'es mal bâti pour faire un tout petit mousse. T'es bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit, t'es bien trop petit. Dans son palais de Versailles fut trouvé le roi. suis gars de Cornouailles, sire, équipez-moi. Mais le bon roi Louis XVI, en riant, lui dit, pour être garde française, t'es bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit, t'es bien trop petit. La guerre éclate en Bretagne au printemps suivant, et Grégoire part en campagne avec Jean Chouan. Les balles sifflaient nombreuses au-dessus de lui, en sifflotant dédaigneuses. T'es bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit, t'es bien trop petit. Cependant, une le frappe entre les deux yeux. Par le trou, l'arme s'échappe, Grégoire est aux cieux. La Saint-Pierre, qu'il dérange, lui dit hors d'ici, j'ai besoin d'un grand archange. T'es bien trop petit, mon ami, t'es bien trop petit, t'es bien trop petit. Mais en apprenant la chose, Jésus se fâcha, entr'ouvrit son manteau rose pour qu'il s'y cachât. Fit entrer ainsi Grégoire dans son paradis, en disant, mon ciel de gloire, c'est pour les petits, mon ami, c'est pour les petits, c'est pour les petits. Jamais comme les autres. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Olivier. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line et par l'application mobile Les Radios Associatives. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Ah, ben oui, vous m'aviez gentiment proposé de vous suggérer quelques plages musicales et ben, je me suis dit que sans vouloir faire trop scolaire, avoir une illustration sonore de ce que représentait le handicap dans la vie d'une personne. Bah déjà, la dernière chanson qu'on a entendue, c'est l'arrivée, cet enfant soleil qui, au départ, il éblouit peut-être par la difficulté d'accueillir le handicap à la naissance dans une famille. Et puis, au final, cet artiste, Manic, là, exprime toute la joie et toute la lumière que cet enfant peut apporter dans une famille et pour ses parents en particulier. Pour ce qui concernait la chanson de Souchon, en fait, c'est une reprise qu'il a faite dans un disque il y a une dizaine d'années où il disait pourquoi il avait eu cette carrière de chanteur. Il prenait des chansons de son enfance. Et là, c'est une chanson qui parle du handicap physique, d'une certaine manière, une personne de petite taille, une chanson quasi folklorique, ne trouve ni de place à l'armée, ni nulle part dans sa vie, parce qu'il est trop petit, et même au ciel, au départ, après sa mort, on lui dit qu'il est trop petit, mais au final, il est quand même accueilli en paradis, donc c'était une illustration musicale de la difficulté, des fois, à trouver sa place dans le monde du travail et dans la vie en général. Et puis la première chanson, elle m'a été transmise par une amie il y a quelques temps. C'est une auteure que je ne connaissais pas, Nathalie Solence, qui a une sœur, semble-t-il, trisomique, porteuse de trisomie 21, et elle a écrit une chanson avec son style sur là aussi le regard des fois un peu cruel et très, très marquant qu'on peut avoir sur le handicap lorsqu'il est visible. On parlait aussi hors antenne d'un futur événement à venir, la projection d'un film, je crois, vous pouvez nous en dire plus ? Ah oui, là c'est vraiment d'actualité, puisque le réalisateur Laurent Boileau, qui est spécialisé dans un documentaire, a réalisé il y a quelques années, ça devait être diffusé juste avant la Covid, et c'est diffusé en salle, un documentaire qu'il a travaillé dans la région d'Arras, je crois, autour de l'insertion sociale de personnes handicapées, autour de la question de l'habitat et de l'insertion professionnelle. Et ça donne donc un long métrage, un documentaire, qui sera projeté la semaine prochaine à Épinal, à Gérardmer, à Saint-Dié et à Mirecourt, en présence de Laurent Boileau. Donc vraiment, je vous invite tous à découvrir ce film. Il n'y a rien qui est joué, ce sont des personnes qui ont été filmées dans leur vraie vie, et c'est absolument émouvant et en même temps très enseignant, parce qu'on voit combien elles sont battantes, et en étant accompagnées, naturellement, mais elles trouvent une belle place, une juste place dans leur société. Merci pour cet appel. J'espère que les auditeurs iront voir le film. Ça s'appelle « J'irai décrocher la lune ». Ah, c'est joli. J'aime beaucoup le titre. Pour cette dernière émission d'Autour de vous de la semaine, nous allons parler des personnes handicapées dans le milieu du travail. Il y a un secteur travail géré par la DPI. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. D'autant plus que on est en plein chantier de refonte un petit peu des services d'accompagnement dans le travail. Dans le temps, on appelait ça les centres d'aide par le travail, des ateliers protégés qui existent encore au milieu ordinaire. Mais aujourd'hui, on a des établissements ESAT, dont un à Saint-Amé, un à Épinal, un à Saint-Dié et un à Contrexéville. Donc ce sont des établissements qui accueillent des personnes ayant la RQTH, qui sont reconnues comme travailleurs handicapés et qui ont une orientation prononcée par la MDPH pour travailler en ESAT. Donc c'est à la fois un enjeu économique pour ces établissements, mais surtout un enjeu d'accompagnement et éducatif très très très important, puisque on accueille avec un encadrement important, très très important, des travailleurs handicapés en leur donnant une activité professionnelle, parfois un peu de formation aussi, d'accompagnement, pour qu'ils puissent s'épanouir dans un milieu professionnel. Alors, parfois, certains pensent qu'on exploite, entre guillemets, les personnes handicapées les faisant travailler. En fait, c'est tout le contraire. On leur donne un moyen, le travail, ça peut être un lieu d'épanouissement. évidemment, et ça doit l'être pour le plus grand nombre, et en tout cas, c'est vraiment ce que l'on recherche dans nos établissements spécialisés. Alors, à Saint-Amé, par exemple, on travaille les espaces verts, on travaille la restauration, on travaille en blanchisserie, on travaille aussi sur du conditionnement, de la sous-traitance confiée par des entreprises locales. Mais je vous disais qu'on était dans une phase de réforme. Aujourd'hui, on va viser, un petit peu comme ce qui s'est passé dans le monde scolaire il y a quelques dizaines d'années maintenant, à ce que les travailleurs handicapés puissent intégrer au maximum le milieu ordinaire. Mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, typiquement le 17 novembre, là, c'est le Duo Day, c'est le jour où peuvent expérimenter pour certaines personnes handicapées un temps de travail dans une entreprise ordinaire en étant en binôme avec un travailleur dans l'entreprise qui l'accueille. Là, dans nos différents ESAT, on a une dizaine de travailleurs qui aujourd'hui vivent une insertion, une immersion qui leur fait découvrir le monde du travail ordinaire. Alors, c'est un sacré challenge pour eux, et bien sûr ça demande à être accompagné. Mais c'est intéressant de voir comment cette initiative qui est partie d'Irlande il y a une quinzaine d'années s'est développée dans toute l'Europe et comment c'est relayé aujourd'hui en France avec, je crois, entre 30 et 40 000 offres d'entreprises qui permettent à des travailleurs handicapés de découvrir le monde ordinaire. C'est important parce que c'est ce à quoi on est appelé aujourd'hui par les pouvoirs publics à favoriser au maximum l'insertion des travailleurs ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés dans le monde ordinaire. Comment sont pris en charge les jeunes atteints d'handicap intellectuel dans les ESAT ? Eh bien, il y a des moniteurs, moniteurs éducateurs, moniteurs techniques, qui donc connaissent le métier qui est pratiqué dans le service et qui vont bien sûr avoir des objectifs d'accompagnement et d'éducation autant que de production, même s'il y a une réalité économique et qu'un ESAT doit produire et avoir un chiffre d'affaires positif et que c'est un vrai défi pour les directeurs d'ESAT que de trouver les marchés, de trouver les activités, on n'est pas là pour le rendement avant tout, on est d'abord là pour l'épanouissement des personnes. Et en dehors des temps de production ou de travail, il y a quelques temps aussi éducatifs qui sont proposés au sein de l'ESAT. Hein. Mais on va retrouver une équipe pluridisciplinaire avec donc des moniteurs techniques, mais souvent aussi des éducateurs, un psychologue qui aura des vacations aussi, et puis un encadrement très, très sécurisant et très adapté. Comment est-ce qu'est orientée une personne qui ne sait pas quoi exercer comme métier ? Ah oui, alors ça c'est souvent au sein des CIFPRO qu'on va aider, un petit peu comme ça se dit dans tous les collèges, dans tous les lycées de France, une aide à l'orientation. Avec la difficulté, c'est que les offres sont plus limitées et que même quand un jeune a un projet ou une envie, eh bien, c'est pas évident de trouver une place très rapidement dans un ESAT, parce que là aussi, il y a des listes d'attente. Alors comment ? Ben, ça peut être par des stages, lorsqu'il est en CIFPRO, des stages en ESAT, ou des stages en atelier, ou en stage en entreprise, pour vérifier son appétence, et pas forcément tout de suite ses capacités, parce que les capacités, elles se développent. Avant d'être compétent, il faut travailler, il faut apprendre certains gestes, apprendre certaines attitudes, et c'est un enjeu important donc de l'accompagnement là, qui se fait plutôt donc à l'IME, à l'âge de l'adolescence. Mais un autre enjeu, c'est aussi qu'au cours de sa vie professionnelle, un adulte puisse changer. Comme nous, on peut avoir envie de modifier notre vie professionnelle, on a beaucoup parlé après le Covid de ces gens qui changeaient complètement et de vie d'activité professionnelle, mais sans qu'il y ait de crise aussi importante que cela, il peut y avoir une lassitude, il peut y avoir aussi une fatigue par rapport à certains gestes ou certains métiers, et on nous demande aussi donc d'être à l'écoute de ce que la personne handicapée souhaite, de ses envies, et pas que de ses besoins ou des places qui seraient disponibles. D'ailleurs, il y a un projet personnel qui est réévalué très régulièrement avec la personne handicapée elle-même et son tuteur ou sa famille pour faire le point sur ce que la personne trouve dans son travail, les bénéfices qu'elle en retire et puis l'intérêt qu'elle y trouve. Quel genre de public est visé, enfin, peut rentrer dans les ESAT ? Est-ce que c'est forcément les jeunes ou est-ce que ça peut être des personnes plus âgées ? Enfin, non. Les personnes y font toute leur carrière, donc si la personne porteuse de handicap est orientée en ESAT et trouve une place en ESAT à ses 20 ans, elle peut l'intégrer dès ses 20 ans, pas avant. Mais après, il y a des travailleurs de tout âge et ça va jusqu'à la retraite. Donc, effectivement, on accompagne les personnes tout au long de leur vie. C'est pour ça que l'enjeu de l'accompagnement du désir de changement et aussi peut-être d'aller-retour. Je donne l'exemple d'une personne qui souhaiterait ou qui serait apte à un moment donné à aller travailler dans le monde ordinaire. C'est beaucoup plus exigeant pour elle. Il y aura moins d'accompagnement, moins d'attention peut-être portée dans le milieu ordinaire. Peut-être qu'à un moment donné, elle aura besoin ou envie de retourner dans un milieu davantage protégé. Donc, ces allers-retours-là sont très compliqués parce que il y a des gestions de place et des accompagnements vraiment à la carte, très personnalisés à trouver. Et là, j'en profite pour remercier toutes les entreprises qui jouent le jeu dans notre secteur et qui ou offrent la possibilité de créer un atelier protégé ou simplement d'accueillir une personne en situation de handicap et avec l'accompagnement que continuera de prodiguer les actes. On n'abandonne pas, entre guillemets, la personne dans le monde ordinaire. On est appelé à suivre au plus près son insertion professionnelle, y compris dans une entreprise ordinaire. Est-ce que vous êtes amené parfois à travailler avec le Cap Emploi ? Eh bien, certainement. Je pense que c'est plutôt Cap Emploi qui doit avoir les coordonnées, les relations qui permettent, en fonction des profils des personnes, de les orienter vers nos services. Mais là, la communauté 360 dont je vous parlais tout à l'heure, peut aussi jouer un rôle pour permettre à des personnes qui sont en recherche d'emploi de trouver ce qui leur conviendra au mieux dans le secteur professionnel. Ah, vous parliez de la MDPH tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la MDPH ? La maison départementale des personnes handicapées ou du handicap, ou dans d'autres départements, maison de l'autonomie. C'est une instance qui a été créée suite à la loi de 2005 sur la prise en charge du handicap en France et qui a pour vocation à accompagner au mieux les personnes porteuses de handicap à tous les âges de la vie, en leur proposant à la fois des orientations, en leur allouant parfois aussi des aides. Elle n'a pas tout pouvoir en la matière, mais elle se réfère à une codification très stricte, et c'est elle qui pourra, par exemple, prononcer une orientation nécessaire à l'accueil dans une structure type IME ou ESAT ou foyer d'hébergement. Donc c'est à la fois une commission technique très, très professionnelle qui étudie tous les dossiers qui sont déposés par les personnes porteuses de handicap pour leurs accompagnateurs, et puis qui fera une proposition. Il faut savoir que les associations comme la nôtre, comme la DAPI, les personnes handicapées elles-mêmes sont censées être représentées à la MDPH dans cette commission. La DAPI siège régulièrement dans une commission des droits à l'autonomie qui peut réévaluer telle ou telle attribution de droit. Donc, c'est une instance extrêmement importante qui s'est développée très rapidement et qui a beaucoup de travail, mais qui a donné, en tout cas, une plus grande, on va dire, peut-être proximité avec les personnes à la fois les représentant au sein même des commissions et aussi en les recevant éventuellement. Et c'est vraiment un service public qui est rendu là par le département des Vosges. Est-ce qu'on peut retrouver la DAPI sur Internet et les réseaux sociaux ? La DAPI, oui. Alors, il y a un site qui est toujours en chantier, mais qui donne les événements d'actualité, qui donne toutes les références pour trouver nos différents établissements. Donc vous tapez ADAPI 88 sur un bon moteur de recherche et vous y arrivez directement. Je pense que l'adresse, c'est simplement ça, avec un 3W devant et un point, et ça doit y arriver tout seul. Vous êtes sur Facebook aussi ? Oui, il y a une page Facebook, ADAPI 88. Oui. Est-ce que vous avez des projets futurs avec l'ADPI 88 ? Ah ben des projets, on n'en manque pas. Il y a souvent des questions matérielles ou de financement, puis je vous le disais tout à l'heure aussi d'énergie, parce qu'on ne peut pas tout porter en même temps. Mais dans les projets vraiment d'actualité, c'est vraiment le développement de l'habitat inclusif. Donc c'est-à-dire de permettre à des personnes porteuses de handicap qui jusqu'à présent ou vivaient dans leur famille, mais plus souvent dans des foyers spécialisés, dans une structure vraiment spécialisée, de gagner en autonomie en étant dans des logements ordinaires, en restant accompagnés, mais l'accompagnateur se déplace vers les personnes et on ne regroupe pas toutes les personnes porteuses de handicap dans un même foyer. Donc actuellement, on a 3 sites à Saint-Dié, à Contrexéville, à Épinal qui proposent cet habitat inclusif dans les Vosges. On a pour projet d'en ouvrir un dans le secteur montagne autour de Remiremont dans les prochains mois ou années, le plus vite possible. Mais ça demande là aussi et des financements publics qu'il faut défendre et obtenir, et puis aussi toute l'énergie et puis un peu d'investissement autour de ce projet. Donc ça, c'est important. Quelque chose qui nous tient à cœur aussi en ce moment et qui va rejoindre les préoccupations des familles, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation affective et sexuelle et de reconnaître aux personnes handicapées bien, le droit d'avoir une vie affective et sexuelle sans prendre de risques excessifs, mais en même temps de ne pas nier cette réalité constitutive de toute personne. Donc il y a eu un plan de formation qui a été mis en œuvre par notre association l'an passé, qui a déjà formé un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, il y a des référents dans chaque établissement. Et on voudrait aujourd'hui proposer à nos adhérents et aux familles concernées, parce qu'on peut très bien bénéficier des services de l'ADAPTI sans être adhérent, hein, je le précise quand même, on est ouvert absolument à tout le monde, mais en tout cas que les parents, les familles puissent échanger sur ce thème, qui n'est pas un thème facile, parce qu'on aurait vite fait de décider aussi, un peu comme dans d'autres domaines, à la place des personnes, parce qu'on a peur, on voudrait simplifier les choses en supprimant un certain nombre de droits fondamentaux des personnes. Donc un gros chantier, mais très très important. Là, le rôle de l'association parentale trouve vraiment toute sa dimension, parce qu'il s'agit vraiment d'écouter des questions, pas forcément d'apporter des réponses toutes faites, mais d'accompagner les familles et de mettre du lien, de faire que personne ne soit isolé avec des questions qui peuvent hanter ou pourrir une vie parfois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association ? Bah écoutez, je crois de continuer sur l'excellente voie qui est la nôtre en ce moment, c'est-à-dire d'être à l'écoute des besoins des familles et des personnes handicapées, de chercher des réponses innovantes, et puis pourquoi pas, grâce à vous peut-être, de recruter quelques bénévoles supplémentaires pour nous aider dans nos différents chantiers, Laura. Cette émission est maintenant terminée. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que des auditeurs postuleront pour être bénévoles et viendront aussi voir votre film qui est le... Alors, c'est pas notre film, mais il est proposé par plusieurs associations dans les Vosges, qui est donc la semaine prochaine, à partir de, je crois, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à Mirecourt, Épinal, Gérardmer et Saint-Dié. J'irai décrocher la lune. Alors justement, on mettra ce lien sur notre page Facebook. Hein, auditeurs, n'hésitez pas à venir sur notre page et aller voir le film de l'association. Alors justement, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. C'était Laura. Bye tout le monde!